La maison d'édition Kelvis de Dominique a fait paraître en brochure l'œuvre classique du général Kim Jong-il, donner la priorité au travail idéologique et l'impératif de l'œuvre socialiste, et le centre d'études des études jutsées de Milan, Italie, l'a inséré dans son page d'internet. Par ailleurs, l'homepage d'internet polonais République populaire démocratique de Corée a présenté l'œuvre classique du général Kim Jong-il, La République populaire démocratique de Corée est un état socialiste jutsé invincible. L'homepage a exposé sous la manchette 68e anniversaire de la fondation de la République populaire démocratique de Corée, les photos sur les exploits mortels du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il accomplis pour la prospérité du pays et la réalisation de la cause d'émancipation du monde.